Mesdames, messieurs, nous vous proposons d'écouter ce soir Le soulier de satin de Paul Claudel, action espagnole en 4 journées. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend père Roguet, mise en onde d'Henri Vermeil. La première journée vous sera donnée avec le concours de Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Donia Musique. Ève Francis dans celui de Donia Pruez. Marguerite Mayanne sera Donia Isabelle. Simone Bonelli, la négresse. Jean-Louis Barrault de la Comédie Française sera Don Rodrigue. Fernand Fabre, Don Camille. Jean Worms, Don Balthazar. Jean Touloute, Don Pélage. Jean Montazel, le roi. Georges Flatteau, le chinois. Jacques Berlioz, l'annoncier. Gaston Séverin, le chancelier. Dominique Bucard, le père jésuite. Avec Albert Gercourt, Jacques Driana, Jacques Tan, Paul Morin, Pierre Héral et Paul Bernard dans le rôle de l'ange gardien. Les voix chantées, Jeanne Secondi et Simone Viala, Éric Puech et Charles Mailleux, et l'orchestre sous la direction de Jean Giardino. La Radiodiffusion nationale a ce soir et les 3 soirs qui suivent l'honneur de vous présenter cette œuvre grandiose, ce monument de l'art dramatique, qu'est le soulier de satin de Paul Claudel. Il lui a fallu pour cela beaucoup d'audace, car ce drame aux proportions gigantesques, à l'intrigue sublime et touffue, n'a jamais été représenté. Il intimidait les impresarios et les interprètes. Certains prétendent qu'il ne peut que demeurer, comme jadis les pièces de Musset, un spectacle dans un fauteuil que le lecteur se donne silencieusement à lui-même. Nous avons eu plus de courage, car nous croyons qu'un drame n'existe véritablement que lorsqu'il est joué, et surtout un drame de Paul Claudel, dont la langue est une langue drue, savoureuse, variée, aérée, faite pour être parlée et pour être entendue. Dans l'état actuel du théâtre, la radio seule pouvait aborder la réalisation du soulier de satin. Cela lui créait un devoir auquel elle n'a pas voulu se dérober. Nous avons fait un très gros effort. À vous, auditeurs, de faire un effort à votre tour. Je puis vous assurer que vous en serez récompensé et je vous aiderai de mon mieux par ces présentations qui n'ont d'autre but que de vous guider comme par la main dans les avenues d'un poème vaste comme une forêt et dont il est difficile de saisir du premier coup toutes les intentions et toutes les résonances. Le soulier de satin est, dit Paul Claudel lui-même, un drame total. Ce n'est pas seulement l'intrigue d'un couple, son héros, Don Rodrigue, n'est pas seulement l'homme d'un grand amour, c'est un conquistador de la fin du XVIe siècle et autour de son aventure foisonnent 1000 thèmes humains, religieux ou poétiques. L'agrandissement de la terre par la découverte d'un nouveau monde, la recréation matérielle et spirituelle de ce monde nouveau par la conquête et l'évangélisation, le travail gigantesque de l'Église qui repousse l'islam et l'hérésie se réforme elle-même. Ce Don Rodrigue, c'est une âme grande et forte, capable de vouloir, capable de réussir des entreprises temporelles magnifiques. Il risque de s'y enliser dans la jouissance et la possession. Il risque donc de perdre Dieu qui n'est accordé qu'aux âmes vides, dépouillées, aux âmes insatisfaites. Son amour impossible pour Doña Pruez, surnommée Doña Merveille, donnera à son âme le désir, la soif, le sentiment de l'absence sans lesquels il n'y a pas d'âme vraiment grande. Tel est le sens principal du drame qui sera exposé dans le monologue fondamental que vous entendrez bientôt, la prière du père jésuite, frère de Don Rodrigue. Le soulier de satin, c'est le drame des destinées incompréhensibles et des détours dont se sert la Providence pour arriver à ses fins en utilisant même les péchés des hommes. Aussi le poète a-t-il voulu que son drame, bien loin d'exhiber l'architecture rectiligne et sèche d'une tragédie classique, se déroulât avec 1000 méandres, 1000 surprises, dans une atmosphère, voici d'ailleurs en propre terme ses indications. Dans le fond, la toile la plus négligemment barbouillée ou aucune suffit. Les machinistes feront les quelques aménagements nécessaires sous les yeux même du public pendant que l'action suit son cours. Au besoin, rien n'empêchera les artistes de donner un coup de main. Un bout de corde qui pend, une toile de fond mal tirée, laissant apparaître un mur blanc devant lequel passe et repasse le personnel, sera du meilleur effet. Il faut que tout ait l'air provisoire, en marche bâclée, incohérent, improvisé dans l'enthousiasme, avec des réussites, si possible, de temps en temps, car même dans le désordre, il faut éviter la monotonie. L'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination. Je rêve une grande salle chauffée par un spectacle précédent que le public envahit et que remplissent les conversations. Par les portes battantes, on entend le tapage sourd d'un orchestre bien nourri qui fonctionne dans le foyer. Un autre petit orchestre nasillard dans la salle s'amuse à imiter les bruits du public en les conduisant et en leur donnant peu à peu une espèce de rythme et de figure. Apparaît sur le proscenium, devant le rideau baissé, l'annoncier. C'est un solide gaillard barbu et qui a emprunté au plus attendu Velasquez ce feutre à plumes, cette canne sous le bras et ce ceinturon qu'il arrive péniblement à boutonner. C'est l'annoncier qui va frapper les trois coups avec sa canne. Le soulier de satin, où le pire n'est pas toujours sûr. Action espagnole en 4 journées. Première journée. La scène de ce drame est le monde, et plus spécialement l'Espagne à la fin du XVIe, à moins que ce ne soit le commencement du XVIIe siècle. L'auteur s'est permis de comprimer les pays et les époques. De même qu'à la distance voulue, plusieurs lignes de montagne séparées ne font qu'un seul horizon. Fixons, je vous prie, mes frères, les yeux sur ce point de l'océan Atlantique qui est à quelques degrés au-dessous de la ligne, à égale distance de l'ancien et du nouveau continent. On a parfaitement bien représenté ici l'épave d'un navire dématé qui flotte au gré des courants. Toutes les grandes constellations de l'un et de l'autre hémisphère, la Grande Ours, la Petite Ours, Cassiopée, Orion, la Croix du Sud, sont suspendus en bon ordre comme d'énormes girandoles et comme de gigantesques panoplies autour du ciel. Je pourrais les toucher avec ma canne. Autour du ciel. Et ici-bas, un peintre qui voudrait représenter l'œuvre des pirates, des Anglais probablement, sur ce pauvre bâtiment espagnol, le Santiago, aurait précisément l'idée de ce mât avec ses vergues et ses agrès tombés tout au travers du pont. De ces canons culbutés, de ces écoutilles ouvertes, de ces grandes taches de sang et de ces cadavres partout, spécialement de ce groupe de religieuses écroulées l'une sur l'autre. Le tronçon du grand mât est attaché à un père jésuite, comme vous voyez, extrêmement grand et maigre. La soutane déchirée laisse voir l'épaule nue. Le voici qui parle comme il suit. « Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. » Mais c'est lui qui va parler. « Écoutez bien. » Ne toussez pas, essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant, qui est le plus drôle. Au revoir. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles et ma volonté en présence de votre règle perplexe, rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je ne le suis. Et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix. Mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. La mer libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface. Et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau. Tout a expiré autour de moi. Tout a été consommé sur cet étroit autel qu'encombrent les corps de mes sœurs, l'une sur l'autre. La vendange, sans doute, ne pouvait se faire sans désordre. Mais tout, après un peu de mouvement, est rentré dans la grande paix paternelle. Et si je me croyais abandonné, je n'ai qu'à attendre le retour de cette puissance immanquable sous moi, qui me reprend et me remonte avec elle, comme si pour un moment, je ne faisais plus qu'un avec le réjouissement de l'abîme. Cette vague, voici bientôt la dernière pour m'emporter. Je prends, je me sers de toute cette œuvre invisible que Dieu a faite tout à la fois, et à laquelle je suis étroitement amalgamé à l'intérieur de sa sainte volonté. Ayant renoncé la mienne, de ce passé dont avec l'avenir est faite une seule étoffe, indéchirable, de cette mer qui a été mise à ma disposition, du souffle que je ressens tour à tour avec sa cessation sur ma face, de ces deux mondes amis, et là-haut dans le ciel de ces grandes constellations incontestables, pour bénir cette terre que mon cœur devinait là-bas, dans la nuit, tant désirée, que la bénédiction sur elle soit celle d'Abel, le pasteur au milieu de ses fleuves et de ses forêts. Que la guerre et la dissension l'épargnent, que l'islam ne souille point ses rives, et cette peste encore pire qu'est l'hérésie. Je me suis donné à Dieu, et maintenant le jour du repos et de la détente est venu, et je puis me confier à ces liens qui m'attachent. On parle d'un sacrifice quant à chaque choix à faire. Il ne s'agit que de ce mouvement presque imperceptible comme de la main. C'est le mal seul à dire vrai qui exige un effort, puisqu'il est contre la réalité. Se disjoindre à ces grandes forces continues qui de toutes parts nous adoptent et nous engagent. Et maintenant, voici la dernière oraison de cette messe que, mêlée déjà à la mort, je célèbre par le moyen de moi-même. Mon Dieu, je vous prie pour mon frère Rodrigue. Mon Dieu, je vous supplie pour mon fils Rodrigue. Je n'ai pas d'autre enfant. Oh, mon Dieu! Et lui sait bien qu'il n'aura pas d'autre frère. Vous le voyez qui d'abord s'était engagé sur mes pas, sous l'étendard qui porte votre monogramme. Et maintenant, sans doute parce qu'il a quitté votre noviciat, il se figure qu'il vous tourne le dos. Son affaire, à ce qu'il imagine, n'étant pas d'attendre, mais de conquérir et de posséder ce qu'il peut, comme s'il n'y avait rien qui ne vous appartint. Et comme s'il pouvait être ailleurs que là où vous êtes. Mais, Seigneur, il n'est pas si facile de vous échapper. Et s'il ne va pas à vous par ce qu'il a de clair, qu'il y aille par ce qu'il a d'obscur, et par ce qu'il a de direct, qu'il y aille par ce qu'il a d'indirect, et par ce qu'il a de simple, qu'il y aille par ce qu'il a en lui de nombreux et de laborieux et d'entremêlés. Et s'il désire le mal, que ce soit un tel mal qu'il ne soit compatible qu'avec le bien. Et s'il désire le désordre, un tel désordre qu'il implique l'ébranlement et la fissure de ses murailles autour de lui qui lui barrait le salut, je dis à lui et à cette multitude avec lui qu'il implique obscurément, car il est de ceux-là qui ne peuvent se sauver qu'en sauvant toute cette masse qui prend leur forme derrière eux. Et déjà, vous lui avez appris le désir, mais il ne se doute pas encore ce que c'est que d'être désiré. Apprenez-lui que vous n'êtes pas le seul à pouvoir être absent. Liez-le par le poids de cet autre être sans lui si beau qu'il appelle à travers l'intervalle. Faites de lui un homme blessé, parce qu'une fois en cette vie, il a vu la figure d'un ange. Remplissez ses amants d'un tel désir qu'il implique à l'exclusion de leur présence dans le hasard journalier l'intégrité primitive et leur absence même, telle que Dieu les a conçus autrefois dans un rapport inextinguible. Et ce qu'il essaiera de dire misérablement sur la terre, je suis là pour le traduire dans le ciel. La façade d'une maison noble en Espagne, première heure de la matinée, un jardin rempli d'orangers. Dom Pélage, le juge, époux de Doña Pouez, surnommé Doña Merveille, va confier la garde de celle-ci à son vieil ami Dom Balthazar. Dom Balthazar, il y a deux chemins qui partent de cette maison, et l'un, si le regard pouvait l'aunir d'un seul coup, à travers maintes villes et villages, montant, redescendant, comme les chevaux en désordre sur les chevalets d'un cordier, tire d'ici directement à la mer, non loin d'une certaine hôtellerie que je connais, parmi de gros arbres cachés. C'est par là qu'un cavalier en armes escorte Doña Pruez. Oui, je veux que par lui, Doña Pruez soit enlevée à mes yeux. Cependant que par un autre chemin, entre les genêts tournoyantes et montant parmi les rochers parsemés, j'accéderai à l'appel que cette tache blanche là-haut m'adresse, cette lettre de la veuve dans la montagne, cette lettre de ma cousine dans ma main. Et merveille, pour madame, il n'y a pas autre chose à faire que bien regarder la ligne de la mer vers l'est, en attendant que ces voiles lui paraissent qui doivent nous ramener, elle et moi, en notre gouvernement d'Afrique. Et quoi, seigneur, si tôt déjà partir? Cette maison de votre enfance, apprête-t-on de moi sur un sol barbare? Quoi, de nouveau la quitter? Il est vrai, c'est le seul endroit au monde où je me sente compris et accepté. C'est ici où je cherchais refuge en silence du temps où j'étais le terrible juge de sa majesté, extirpateur des brigands et de la rébellion. On n'aime pas un juge, mais moi j'ai appris tout de suite qu'il n'y avait pas de plus grande charité que de tuer les êtres malfaisants. Que de journées j'ai passées ici, n'ayant pour compagnie du matin jusqu'au soir que mon vieux jardinier, ces oranges que j'arrosais moi-même, et cette petite chèvre qui n'avait pas peur de moi. Oui, elle me donnait par jeu des coups de tête et venait manger des feuilles de vigne dans ma main. Maintenant, voici cette Doña Merveille qui est plus pour vous que la petite chèvre. Prenez-en soin, Don Balthazar, en ce voyage difficile. Je la remets à votre honneur. Quoi? C'est à moi que vous voulez confier Doña Prouet? Pourquoi non? Ne m'avez-vous pas dit vous-même que vos devoirs vous appellent en Catalogne? Votre chemin n'en sera pas fort allongé. Je vous prie de m'excuser. N'est-il point d'autres cavaliers à qui remettre ce soin? Point d'autres. Dont Camille, par exemple, votre cousin et lieutenant là-bas, qui va partir tout à l'heure. Il partira seul. Et ne pouvez-vous laisser Doña Prouet à vous attendre ici? Je n'aurai pas le temps de revenir. Quel devoir impérieux vous appelle? Ma cousine, Doña Viriana, qui se meurt, et aucun homme auprès d'elle, point d'argent dans l'humble et altière demeure, à peine de pain. Plus six filles à marier, dont l'aîné ne s'éloigne de 20 ans que peu. N'est-ce point celle-là que nous appelions Doña Musique? Oui. J'ai résisté là-bas autant que je faisais d'élever pour les Flandres, à cause de cette guitare qu'elle ne quittait pas et dont elle ne jouait jamais, et de ses grands yeux croyants ouverts sur vous et prêts à absorber toutes les merveilles, et de ses dents comme des amandes fraîches qui mordaient la lèvre écarlate. Et de son rire. Pourquoi ne l'avez-vous pas épousée? Je suis plus gueux qu'un vieux loup. Et tout l'argent que tu gagnes passe à ton frère, le chef de la maison, là-bas, en Flandre. Il n'y en a pas de meilleur entre l'Escaut et la Meuse. Je me charge de musique. Et toi, je te confie, Prouvaise. Comme vous-même, seigneur, oui, malgré mon âge, je me sens plutôt fait pour être l'époux d'une jolie femme que son protecteur. Ni elle, ni vous, noble ami, j'en suis sûr, n'avez à redouter ces quelques jours de compagnie. Et d'ailleurs, vous trouverez toujours la servante de ma femme avec elle. Car, à la noire Jo Barbara, un péché n'est pas mieux défendu qui pousse tout au travers d'un figuier de barbarie. Puis votre attente ne sera pas longue, en peu de temps, j'aurai mis ordre à tout. Et marié les six filles? Déjà, pour chacune d'elles, j'ai choisi deux maris. Et le commandement est parti qui convoque mes galants. Qui oserait résister à Pélage, le terrible juge? Elles n'auront qu'à choisir, ou autrement, j'ai choisi pour elles, moi, le cloître qui les attend. La Ragonais n'est pas plus sûre de son affaire qui arrive sur la place du marché avec 6 cavales neuves. Elles sont là, toutes ensemble, tranquilles, à l'ombre d'un grand châtaignier, et ne voient pas l'acheteur qui passe de l'une à l'autre avec tendresse et connaissance, cachant le mort derrière son dos. Adieu, musique. Et pendant qu'il me reste un peu de temps, je vais achever de vous expliquer la situation sur la côte d'Afrique. Le sultan... Une autre partie du même jardin, midi. La longue muraille d'une espèce de charmille, obscurité résultant de l'ombre d'arbres compacts. Par quelques interstices passent cependant des rayons de soleil qui font des taches ardentes sur le sol. Du côté invisible de la charmille, et ne laissant paraître à travers les feuilles que des éclairs de sa robe rouge, Doña Prouet. Elle parle à travers la charmille avec Don Camille. Ce Don Camille est un personnage bien inquiétant, presque diabolique, qui va jouer auprès de Doña Prouet le rôle de tentateur. Mais la tentation, si elle incline au péché, est parfois aussi épreuve et purification. Je suis reconnaissant à votre seigneurie de m'avoir permis de lui dire adieu. Je ne vous ai rien permis, et Don Pélage ne m'a rien défendu. Cette charmille entre nous prouve que vous ne voulez pas me voir. N'est-ce pas assez que je vous entende? Où je suis, je n'importunerai plus souvent monsieur le capitaine général. Vous retournez là-bas, à Mogador? C'est le bon côté du pays. Loin de Ceuta et de ses bureaux, loin de cette grosse peinture bleue où la rame des galions en blanc écrit incessamment le nom du roi d'Espagne. Ce que j'apprécie le plus, c'est cette barre de 40 pieds qui me coûte une barcasse ou deux de temps en temps et qui ennuie un peu les visiteurs. Mais comme on dit, ceux qui viennent me voir me font honneur, ceux qui ne viennent pas me voir me font plaisir. Ça vous sépare aussi de tout renfort et ravitaillement. J'essaye de m'en passer. Heureusement que le Maroc en ce moment est partagé en 3 ou 4 sultans ou prophètes qui se font la guerre. C'est vrai? C'est vrai. Mmh. C'est ma petite chance. Et personne mieux que vous, n'est-ce pas, pour en profiter? Oui, je parle toutes les langues. Mais je sais ce que vous pensez. Vous pensez à ce voyage de 2 ans que j'ai fait à l'intérieur du pays déguisé en marchand juif. Beaucoup de gens disent que cela n'est pas le fait d'un gentilhomme ni d'un chrétien. Je ne l'ai pas pensé. Personne n'a jamais pensé que vous fussiez un renégat. Vous le voyez par ce poste d'honneur que le roi vous a remis. Oui, un poste d'honneur comme un chien sur une barrique au milieu de l'océan. Mais je n'en veux point d'autre. Et beaucoup de gens aussi disent qu'il y a du mort dans mon cas, à cause de ce teint un peu sombre. Je ne l'ai pas pensé. Je sais que vous êtes de fort bonne famille. Va pour le mort. Tout bon gentilhomme sait qu'il n'y a qu'à taper dessus comme à la quintaine. Théoriquement, car en fait, nous nous y frottons le moins possible. Vous savez que je pense comme vous. Moi aussi, j'aime ces traces dangereuses. Est-ce que je les aime? Non, mais je n'aime pas l'Espagne. Qu'entends-je donc, Camille? Il y a des gens qui trouvent leur place toute faite en naissant. Serrés et encastrés comme un grain de maïs dans la quenouille compacte. La religion, la famille, la patrie. Est-ce que vous êtes dégagé de tout cela? N'est-ce pas? Vous aimeriez que je vous rassure. C'est comme ma mère qui voulait que je lui dise constamment les choses qu'elle pensait elle-même. Ce sourire câlin pour toute réponse, comme elle me le reprochait. Ah, ses autres fils et filles. Je dois dire qu'elle n'y pensait guère. Elle n'avait que mon nom sur les lèvres en mourant. Et cet enfant prodigue, pour passer à un autre sujet, un très mauvais sujet. Est-ce que vous croyez que c'est vrai qu'il mangeait son bien avec les gloutons et les prostituées? Ah, il s'était mis dans des affaires autrement passionnantes, des spéculations à faire frire les cheveux sur la tête avec les Carthaginois et les Arabes. C'est le nom même qui était compromis, vous sentez? Et croyez-vous que le père pensait à autre chose que ce fils chéri, tout le long des jours? On lui en laissait guère le moyen. Qu'entendez-vous par ce sourire câlin? Comme si nous étions d'accord en dessous. Comme si tout cela était de complicité avec elle, un petit clin d'œil comme ça. C'est cela qui la mettait hors d'elle-même. Pauvre maman. Et cependant, qui diable m'a fait, je vous prie, si ce n'est elle? Je ne suis pas chargée de vous refaire. Qu'en savez-vous? Mais c'est peut-être moi qui suis chargé de vous défaire. Ce sera difficile, Tante Camille. Ce sera difficile. Et cependant, vous êtes déjà là qui m'écoutez, malgré la défense de votre mari, à travers ce mur de feuilles. J'aperçois votre petite oreille. Je sais que vous avez besoin de moi. Vous entendez que je vous aime. J'ai dit ce que j'ai dit. Et je ne vous fais point trop horreur. Oh, à cela, vous ne pouvez réussir ainsi tout de suite. Dites, personne qui m'écoutait invisible et qui cheminait dans le même pas avec moi de l'autre côté de ce branchage. Ce n'est pas tentant ce que je vous offre. D'autres, à la femme qu'ils aiment, montrent des perles, des châteaux, que sais-je, des forêts sans ferme, une flotte sur la mer, des mines, un royaume, une vie paisible et honorée, une coupe de vin à boire ensemble. Mais moi, ce n'est rien de tout cela que je vous propose. Attends! Je sais que je vais toucher la fibre la plus secrète de ton cœur, mais une chose si précieuse que pour l'atteindre avec moi, rien ne coûte. Et vous vous ennuierez de vos biens, famille, patrie, votre nom et de votre honneur même. Oui, que faisons-nous ici? Partons, merveille. Et quelle est cette chose si précieuse que vous m'offrez? Une place avec moi où il n'y a absolument plus rien. Nada, rac! Et c'est ça que vous voulez me donner? N'est-ce rien que ce rien qui vous délivre de tout? Mais moi, j'aime la vie, Seigneur Camille. J'aime le monde, j'aime l'Espagne. J'aime ce ciel bleu, j'aime le beau soleil. J'aime ce sort que Dieu m'a fait. J'aime tout cela aussi, l'Espagne est belle. Grand Dieu, que ce serait bon si on pouvait la quitter une bonne fois et pour jamais. N'est-ce pas ce que vous avez fait? On revient toujours. Mais est-ce qu'il existe, ce lieu où il n'y a absolument plus rien? Il existe, Proël. Quel est-il? Un lieu où il n'y a plus rien. Un cœur où il n'y a pas autre chose que toi. Vous détournez la tête en disant cela, afin que je ne vois pas sur vos lèvres que vous vous moquez. Quand je vous dis que l'amour est jaloux, vous prétendez que vous ne comprenez pas. Quelle femme ne le comprendrait? Celle qui aime. Les poètes ne disent-ils pas qu'elle gémit de n'être pas toute chose pour l'être qu'elle a choisi? Il faut qu'il n'ait plus besoin que d'elle seule. C'est la mort et le désert qu'elle apporte avec elle. Ah, ce n'est pas la mort, mais la vie que je voudrais apporter à celui que j'aime. La vie, fût-ce au prix de la mienne. Mais n'êtes-vous pas vous-même plus que ces royaumes à posséder, plus que cette Amérique à faire sortir de la mer? Je suis plus. Et qu'est-ce qu'une Amérique a créé auprès d'une âme qui s'engloutit? Faut-il donner mon âme pour sauver la vôtre? Il n'y a pas d'autre moyen. Si je vous aimais, ça me serait facile. Si vous ne m'aimez pas, aimez mon infortune. Quelle infortune si grande? Empêchez-moi d'être seul. Mais n'est-ce pas cela à quoi vous n'avez cessé de travailler? Quel est l'ami que vous n'ayez découragé, le lien que vous n'ayez rompu? le devoir que vous n'ayez accueilli avec ce sourire dont vous me parliez tout à l'heure. Si je suis vide de tout, c'est afin de mieux vous attendre. Dieu seul rempli. Et qui c'est ce Dieu, si seul vous n'étiez pas capable de me l'apporter? Je ne vous aime pas. Et moi, je vais être si malheureux et si criminel. Oui, je vais faire de telles choses, Doña Fruez, que je vous forcerai bien de venir à moi, vous et ce Dieu que vous gardez si jalousement pour vous, comme s'il était venu pour les justes. Ne blasphémez pas. C'est vous qui me parlez de Dieu, je n'aime pas ce sujet. Et croyez-vous que ce soit le fils prodigue qui ait demandé pardon? Mais l'évangile le dit. Moi, je tiens que c'est le père. Oui, pendant qu'il lavait les pieds blessés de cet explorateur. Vous reviendrez aussi. Alors, je ne veux pas de musique ce jour-là. Pas d'invité ni de vos gras. Pas de cette pompe publique. Je veux qu'il soit aveugle, comme Jacob, pour qu'il ne me voie pas. Vous vous rappelez cette scène, quand Joseph fait sortir tous ses frères afin qu'il soit seul avec Israël? Nul ne sait ce qui s'est passé entre eux à ce moment. Il y en a pour jusqu'à la fin du monde de quoi remplir 5 minutes d'agonie. Don Camille, est-ce donc si difficile que d'être tout simplement un honnête homme, un fidèle chrétien, un fidèle soldat, un fidèle serviteur de Sa Majesté et un très fidèle époux de la femme qui vous aura trouvé? Tout cela est trop encombrant et lent et compliqué. Ah, les autres éternellement sur nous, j'étouffe. Ah, n'en avoir jamais fini de cette prison compacte et de toute cette pile de corps mous. Tout cela qui nous empêche de suivre notre appel. Quel est donc cet appel irrésistible? Dites-moi que vous ne l'avez pas ressenti vous-même. Les moucherons ne sont pas plus faits pour résister à cette extase de la lumière quand elle pompe la nuit que les cœurs humains à cet appel du feu capable de les consumer. L'appel de l'Afrique. La terre ne serait point ce qu'elle est si elle n'avait ce carreau de feu sur le ventre, ce cancer rongeur, ce rayon qui lui dévore le foie, ce trépied attisé par le souffle des océans, cet antre fumant, ce fourneau où vient se dégraisser l'ordure de toute la respiration animale. Nous ne sommes pas toutes choses entre nos quatre murs. Vous avez beau tout fermer, vous avez beau vous arranger entre vous, vous ne pouvez pas exclure cette plus grande part de l'humanité dont vous avez convenu de vous passer et pour laquelle le Christ aussi cependant est mort. Ce souffle sur vous qui fait frémir vos feuillages et battre vos jalousies, c'est l'Afrique qui l'appelle, en proie à son éternel supplice. D'autres explorent la mer. Et moi, pourquoi ne m'enfoncerais-je pas aussi loin qu'il est possible d'aller vers cette autre frontière de l'Espagne, le feu? Les capitaines que le roi envoie vers ces Indes nouvelles ne travaillent pas pour eux, mais pour leur maître. Je n'ai pas besoin de penser tout le temps au roi d'Espagne. N'est-il pas là partout où il y a un de ses sujets? Tant mieux pour lui que je pénètre où son nom ne peut passer. Moi, ce n'est pas un monde nouveau qu'on m'a donné pour le pétrir à ma fantaisie. C'est un livre vivant que j'ai à étudier. Et le commandement que je désire ne s'acquiert que par la science. Un Alcoran dont les lignes sont faites de ce rang de palmiers là-bas, de ces villes nacrées sur le bord de l'horizon, comme un titre. Et les lettres de ces foules dans l'ombre des rues étroites, aux yeux de braise, de ces formes qui ne peuvent sortir une main sans qu'elles deviennent de l'or. Comme les Hollandais vivent de la mer, ainsi ces peuples à la frontière même de l'humanité, non parce que la terre cesse, mais parce que le feu commence, de l'exploitation de ces rives au-delà du lac Ardent. C'est là que je me taillerai un domaine pour moi. Une insolente petite place pour moi, seul, entre les deux mondes. Pour vous seul? Pour moi seul. Une petite place que j'y sois plus perdu qu'une pièce d'or dans une cassette oubliée. Telle que nul autre que vous jamais est capable de venir m'y rechercher. Je ne viendrai pas vous rechercher. Je vous donne rendez-vous. Une rue dans une ville d'Espagne, une haute fenêtre garnie de barreaux de fer. Derrière les barreaux, Doña Isabel. Elle parle à son amant, Don Luis, qui est debout dans la rue. Je jure de ne pas être la femme d'un autre que votre seigneurie. Demain, mon frère, ce cruel tyran, m'arrache à Ségovie. Je suis une des filles d'honneur qui accompagne Notre-Dame quand elle s'en va à la porte de Castille recevoir l'hommage de Santiago. Armez-vous, emmenez quelques compagnons courageux. Il vous sera facile dans quelques défilés de montagne de m'enlever à la faveur de la nuit et de la forêt. Ma main. Elle lui donne sa main à baiser. Et nous revenons devant la maison de Don Pélage. Toute une caravane prête à partir. Mules, bagages, armes, chevaux scellés, etc. Don Balthazar, le chef de l'expédition, fait ses recommandations à Doña Fruez. Madame, puisqu'il a plu à votre époux, par une inspiration subite, de me confier le commandement de votre seigneurie hautement respectée, il m'a paru nécessaire, avant de partir, de vous donner communication des clauses qui doivent régler notre entretien. Je vous écoute avec soumission. Je voudrais être encore à la retraite de Breda. Oui, plutôt que le commandement d'une jolie femme, je préfère celui d'une troupe débandée de mercenaires sans pain que l'on conduise à travers un pays de petits bois vers un horizon de potence. Ne vous désolez pas, Seigneur. Et donnez-moi ce papier que je vois tout près, dans votre main. Lisez-le, je vous prie, et veuillez y mettre votre sein à la marque que j'ai faite. Oui, je me suis senti tout soulagé depuis que j'ai couché ainsi mes ordres sur ce papier. C'est lui qui nous commandera à tous désormais, moi le premier. Vous y trouverez toutes choses bien indiquées, les étapes, les heures du départ et des repas, et ces moments aussi où vous aurez permission de m'entretenir, car je sais qu'on ne saurait condamner les femmes au silence. Alors je vous raconterai mes campagnes, les origines de ma famille, les mœurs de la Flandre, mon pays. Et moi aussi, n'aurais-je pas licence de dire un mot parfois ? Sirène, je ne vous ai prêté déjà les oreilles que trop. Est-il si désagréable de penser que pendant quelques jours, mon sort et ma vie ne seront pas moins pour vous que votre propre vie ? Et qu'étroitement associés, vous sentirez bien à chaque minute que j'ai pour défenseur vous seul. Je le jure, on ne vous tirera pas d'entre mes mains. Pourquoi essayerais-je de fuir ? Alors que vous me conduisez là précisément où je voulais aller. Et ce que j'avais refusé, c'est votre époux qui me l'a enjoint. Si vous m'aviez refusé, alors je serais partie seule. Oui, da, j'aurais trouvé quelques moyens. Dona Merveille, je suis fâché d'entendre ainsi parler la fille de votre père. Était-ce un homme qu'on avait l'habitude de contrarier dans ses desseins ? Non, pauvre comte. Ah, quel ami j'ai perdu. Je me ressens encore de ce grand coup d'épée qu'il me fournit au travers du corps un matin de carnaval. C'est ainsi que commença notre fraternité. Il me semble que je le revois quand je vois vos yeux. Vous y étiez déjà. Je ferais mieux de ne pas vous dire que j'ai envoyé cette lettre. Une lettre ? À qui ? À Don Rodrigue, oui, pour qu'il vienne me retrouver en cette auberge précisément où vous allez me conduire. Avez-vous fait cette folie ? Et s'il n'avait pas profité de l'occasion inouïe de cette gitane qui gagnait directement à Villa, où je sais qu'est la résidence de ce cavalier, n'aurait-ce pas été un péché, comme disent les Italiens ? Ne blasphémez pas ! Et veuillez ne pas me regarder ainsi, je vous prie. N'avez-vous point vergogne de votre conduite et aucune crainte de Don Pélage ? Ben, que ferait-il s'il venait à l'apprendre ? Il me tuerait, nul doute, sans hâte, comme il fait tout, et après avoir pris le temps de considérer. Aucune crainte de Dieu ? Je jure que je ne vais point faire le mal. C'est pourquoi je vous ai tout dit. Oh, ce fut dur de vous ouvrir mon cœur, et je crains que vous n'ayez rien compris, rien que ma bonne affection pour vous. Oh, tant pis. Maintenant, c'est vous qui êtes responsable et chargé de me défendre. Mais il faut m'aider, Prouet. Oh, ce serait trop facile. Je ne cherche point l'occasion. J'attends qu'elle vienne me trouver. Et je vous ai loyalement averti. La campagne s'ouvre. C'est vous qui êtes mon défenseur. Et tout ce que je pourrais faire pour vous échapper et pour rejoindre Rodrigue, je vous donne l'avertissement que je le ferai. Vous voulez cette chose détestable ? Oh, ce n'est point vouloir que prévoir. Et vous voyez que je me défie tellement de ma liberté que je l'ai remise entre vos mains. N'aimez-vous point votre mari ? Je l'aime. L'abandonneriez-vous à cette heure où le roi lui-même l'oublie, tout seul, sur cette côte sauvage, au milieu des infidèles, sans troupes, sans argent, sans sécurité d'aucune sorte? Ah, ça me touche plus que tout le reste. L'idée de trahir ainsi l'Afrique et notre pavillon. Et l'honneur du nom de mon mari. Je sais qu'il ne peut se passer de moi. Ces tristes enfants que j'ai recueillis à la place de ceux que Dieu ne m'a pas donnés. Et ces femmes qu'on soigne en infirmerie. Ces partisans, rares et pauvres, qui se sont donnés à nous. Abandonner tout cela, je peux dire que cela me fait horreur. Et qu'est-ce donc qui vous appelle ainsi vers ce cavalier ? Sa voix. Vous n'avez connu que peu de jours. Sa voix. Je ne cesse de l'entendre. Et que vous dit-elle donc ? Ah ! Si vous voulez m'empêcher d'aller à lui, alors du moins, liez-moi. Ne me laissez pas cette cruelle liberté. Mettez-moi dans un cachot profond derrière des barres de fer. Mais quel cachot serait capable de me retenir quand celui-ci même de mon corps menace de se déchirer? Hélas, il n'est que trop solide. Et quand mon maître m'appelle, il ne suffit que trop à retenir cette arme contre tout droit qui est à lui. Mon âme qui l'appelle et qui lui appartient. L'âme et le corps aussi. Mais que parlez-vous de ce corps quand celui qui est mon ennemi et qui m'empêche de voler d'un trait jusqu'à Rodrigue... Ce corps aux yeux de Rodrigue n'est-il que votre prison? Ah! C'est une dépouille que l'on jette aux pieds de celui qu'on aime. Vous lui donneriez donc si vous le pouviez. Qu'ai-je à moi qu'il lui appartienne? Je lui donnerais le monde entier si je le pouvais. Partez, rejoignez-le. Seigneur, je vous ai déjà dit que je me suis placé non plus en ma propre garde, mais en la vôtre. C'est Don Pélage seul qui est votre gardien. Parlez, dites-lui tout. Ah, pourquoi vous ai-je donné si vite ma parole? Quoi? La confiance que j'ai mise en vous, n'en êtes-vous pas touché? Ne me forcez pas à avouer qu'il y a des choses que je ne pouvais dire qu'à vous seul. Après tout, je ne fais qu'obéir à Don Pélage. Ah, que vous allez bien me garder et que je vous aime. Je n'ai plus rien à faire. On peut s'en remettre à vous. Et déjà, je conserve dans mon esprit mille ruses pour vous échapper. Il y aura un autre gardien qui m'aidera et auquel vous n'échapperez pas si aisément. Lequel, Seigneur ? L'ange que Dieu a placé près de vous dès ce jour que vous étiez un petit enfant innocent. Un ange contre les démons. Et pour me défendre contre les hommes, il me faut une tour comme mon ami Balthazar. La tour et l'épée cheminant d'un seul morceau. Et cette belle barbe dorée qui montre de loin où vous êtes. Vous êtes restée française. Comme vous êtes restée flamand. N'est-ce pas joli, mon petit accent franche-comté ? Ce n'est pas vrai, mais tous ces gens avaient bien besoin de nous pour apprendre à être espagnols. Ils savent si peu s'y prendre. Comment votre mari a-t-il pu vous épouser, lui, vieux déjà, et vous si jeune ? Je m'arrangeais sans doute avec les parties de sa nature les plus sévèrement maintenues, les plus secrètement choyées. De sorte que quand j'accompagnais mon père à Madrid, où les affaires de sa province l'appelaient, l'accord ne fut pas long à établir entre ces deux hauts seigneurs, que j'aimasse Don Pélage aussitôt qu'on me l'aurait présenté par-dessus toute chose et pour tous les jours de ma vie, comme cela est légal et obligatoire entre mari et femme. Lui, du moins, vous ne pouvez pas douter qu'il ne remplisse pas envers vous sa part. S'il m'aime, je n'étais pas sourde pour que je l'entende me le dire. Mais oui, si bas qu'il me l'aurait avoué, un seul mot, j'avais l'oreille assez fine pour le comprendre. Je n'étais pas sourde pour entendre ce mot auquel mon cœur était attentif. Bien des fois, j'ai cru le saisir dans ses yeux, dont le regard changeait dès que le mien voulait y pénétrer. J'interprétais cette main qui se posait une seconde sur la mienne. Hélas, je sais que je ne lui sers de rien. Ce que je fais, jamais je ne suis sûre qu'il l'approuve. Je n'ai même pas été capable de lui donner un fils. Ou peut-être, ce qu'il éprouve pour moi, j'essaie parfois de le croire. Ces choses tellement sacrées, peut-être, qu'il faut la laisser s'exhaler seule. Il ne faut pas la déranger avec les paroles qu'on y mettrait. Oui, il m'a fait entendre quelque chose de ce genre, une fois, à sa manière étrange et détournée. Peut-être est-il si fier que pour que je l'aime, il dédaigne de faire appel à autre chose que la vérité. Je le vois si peu souvent et je suis si intimidée avec lui. Et cependant, longtemps, je n'imaginais pas que je pouvais être ailleurs qu'à son ombre. Et vous voyez que c'est lui-même aujourd'hui qui me congédie, et non pas moi qui ai voulu le quitter. Presque tout le jour, il me laisse seule. Et c'est bien lui, cette maison déserte et sombre ici, si pauvre, si fière. Avec ce tuant soleil au dehors et cette odeur délicieuse qui l'a remplie. Oui, on dirait que c'est sa mère qui l'a laissé ainsi, dans un ordre sévère, et qui vient de partir à l'instant. Une grande dame, infiniment noble, et qu'on oserait à peine regarder. Sa mère est morte en lui donnant la vie. Ou peut-être, c'est de celle-ci que je parle. Doña Pruez montre la statue au-dessus de la porte. Don Balthazar ôte gravement son chapeau. Tous deux regardent la statue de la Vierge en silence. Don Balthazar, voudriez-vous me rendre le service de tenir cette mule ? Don Balthazar tient la tête de la mule. Pruez monte debout sur la selle et se déchaussant, elle met son soulier de satin entre les mains de la Vierge. Vierge, patronne et mère de cette maison, répondante et protectrice de cet homme qui est mon mari, dont le cœur vous est pénétrable plus qu'à moi, et compagne de sa longue solitude. Si ce n'est pas pour moi, que ce soit à cause de lui, puisque ce lien entre lui et moi n'a pas été mon fait, mais votre volonté intervenante. Empêchez que je sois dans cette maison dont vous gardez la porte, Auguste Tourière, une cause de corruption, que je manque à ce nom que vous m'avez donné à porter, et que je cesse d'être honorable aux yeux de ceux qui m'aiment. Je ne puis dire que je comprends cet homme que vous m'avez choisi. Mais vous, je comprends, qui êtes sa mère comme la mienne. Alors, pendant qu'il est encore temps, tenant mon cœur dans une main et mon soulier dans l'autre, je me remets à vous, Vierge Mère. Je vous donne mon soulier. Vierge Mère, gardez dans votre main mon malheureux petit pied. Je vous préviens que tout à l'heure, je ne vous verrai plus et que je vais tout mettre en œuvre contre vous. Mais quand j'essaierai de m'élancer vers le mal, que ce soit avec un pied boiteux, la barrière que vous avez mise, quand je voudrais la franchir, que ce soit avec une aile rognée. Ah, j'ai fini ce que je pouvais faire. Et vous, gardez mon pauvre petit soulier. Gardez-le contre votre cœur. Oh, grande maman effrayante. La cour du roi d'Espagne dans la grande salle du palais de Belém qui domine l'estuaire du Tarn. La scène que voici introduira un des grands thèmes de l'œuvre, le thème de l'Amérique, de cette Amérique qui tiendra Don Rodrigue séparé de Doña Pruez. Écoutez donc le roi d'Espagne qui parle à son chancelier. Seigneur chancelier, vous qui avez le poil blanc, alors que le mien ne fait encore que grisonner, ne dit-on pas que la jeunesse est le temps des illusions, alors que la vieillesse peu à peu entre dans la réalité des choses telles qu'elles sont? Une réalité fort triste, un petit monde décoloré qui va se rétrécissant. C'est ce que les anciens, moi-même, m'ont toujours instruit à répéter. Ils disent que le monde est triste pour qu'il voit clair. Je ne puis le nier contre tous. C'est la vieillesse qui a l'œil clair. C'est elle qui a l'œil exercé. Exercé à ne plus voir ce qui lui est utile. À elle et à son petit royaume. Le mien est grand. Oui. Et si grand qu'il soit, mon cœur qui le réunit dénie toute frontière le droit de l'arrêter. Alors que la mer même, ce vaste océan à mes pieds, loin de lui imposer des limites, ne faisait que réserver de nouveaux domaines à mon désir trop tardif. Et je voudrais la trouver enfin, cette chose, dont vous auriez le droit de dire au roi d'Espagne qu'elle n'était pas pour lui. Triste ? Et comment dire sans impiété que la vérité de ces choses, qui sont l'œuvre d'un Dieu excellent, est triste ? Et sans absurdité que le monde, qui est à sa ressemblance et à son émulation, est plus petit que nous-mêmes, et laisse la plus grande part de notre imagination sans support. Et je dis en effet que la jeunesse est le temps des illusions, mais c'est parce qu'elle imaginait les choses infiniment moins belles, et nombreuses, et désirables qu'elles ne sont. Et de cette déception, nous sommes guéris avec l'âge. Ainsi, cette mer où le soleil se couche, la miroitante étendue, là où les poètes voyaient se précipiter chaque soir l'impossible attelage, au milieu des sardines de je ne sais quel dieu ridicule, l'orfèvrerie d'Apollon, l'œil audacieux de mes prédécesseurs, par-dessus elle, leurs doigts, désignait impérieusement l'autre bord, un autre monde. Et déjà, l'un de leurs serviteurs cingle vers le sud. Il retrouve Cam. Il double le cap détesté, il boite au Gange. À travers main passage difforme, il atterrit à la Chine. C'est à lui cet immense remuement de soies et de palmes et de cornues, tous ces bancs palpitants de frais humains, plus populeux que les morts et qui attendent le baptême. L'autre, notre grand amiral. Lui, c'est quelque chose d'absolument neuf qui lui surgit à la proue de son bateau. Un monde de feu et de neige à la rencontre de nos enseignes, détachant une escadre de volcans, l'Amérique, comme une immense corne d'abondance. Je dis ce calice de silence, ce fragment d'étoiles, cet énorme quartier du paradis, le flanc penché au travers d'un océan de délices. Ah, que le ciel me pardonne, mais quand parfois, comme aujourd'hui, des bords de cet estuaire, je vois le soleil m'inviter d'un long tapis déroulé à ces régions qui me sont éternellement disjointes. L'Espagne, cette épouse dont je porte l'anneau, mais peu, à côté de cet esclave sombre, de cette femelle au flanc de cuivre qu'on enchaîne pour moi là-bas, dans les régions de la nuit. Grâce à toi, fils de la colombe, mon royaume est devenu semblable au cœur de l'homme, alors qu'une part ici accompagne sa présence corporelle, l'autre a trouvé sa demeure outre la mer. Il a mouillé ses ancres pour toujours en cette part du monde qu'éclairent d'autres étoiles. Celui-là ne pouvait pas se tromper, qui prend le soleil pour guide. Et cette plage du monde, que les savants jadis abandonnaient à l'illusion et à la folie, c'est d'elle maintenant que mon échiquier tire l'or vital qui anime ici toute la machine de l'État et qui fait pousser de toutes parts, plus de rues que l'herbe en baie, les lances de mes escadrons. La mer a perdu ses terreurs pour nous et ne conserve que ses merveilles. Oui, ces flots mouvants suffisent mal à déranger la large route d'or qui relie l'une à l'autre Castille, par où se hâte, allant et revenant, la double file de mes bateaux à la peine qui me portent là-bas, mes prêtres et mes guerriers, et me rapportent ces trésors païens, enfantés par le soleil, qui au sommet de sa course entre les deux océans se tient immobile, un moment, en une solennelle hésitation. Le royaume que ses serviteurs d'hier ont acquis à votre majesté, la tâche de ceux d'aujourd'hui est de l'ouvrir et de le conserver. Il est vrai. Mais depuis quelque temps, je ne reçois de là-bas que de nouvelles funestes. Pillages, descentes de pirates, extorsions, injustices, extermination des peuples innocents, et ce qui est plus grave encore, fureur de mes capitaines, qui se taillent part pour eux de ma terre et se déchirent l'un contre l'autre, comme si c'était pour cette nuée de moustiques sanguinaires et non pour le roi seul, à l'ombre de la croix pacifique que Dieu et fait surgir un monde du sein des eaux. Où le maître n'est pas, les muletiers se gourdent. Je ne puis être à la fois en Espagne, aux Indes. Qu'un homme soit là-bas à la personne de votre majesté, au-dessus de tous, un seul, revêtu du même pouvoir. Et qui choisirons-nous pour être là-bas, nous-mêmes? Un homme raisonnable et juste. Quand les volcans de mon Amérique se seront éteints, quand ses flancs palpitants seront épuisés, quand elle se sera reposée de l'immense effort qui vient de la faire sortir du néant, toute brûlante et bouillonnante, alors je lui donnerai pour la régir un homme raisonnable et juste. L'homme en qui je me reconnais et qui est fait pour me représenter n'est pas un sage et un juste qu'on me donne à un homme jaloux et avide. Et qu'ai-je à faire d'un homme raisonnable et juste? Est-ce pour lui que je m'arracherai cette Amérique et ces Indes prodigieuses dans le soleil couchant? S'il ne l'aime de cet amour injuste et jaloux, mais est-ce dans la raison et la justice qu'il épousera cette terre sauvage et cruelle et qu'il la prendra toute glissante entre ses bras, pleine de refus et de poison? Je dis que c'est dans la patience et la passion et la bataille et la foi pure. Car quel homme sensé ne préférerait à ce qu'il connaît, à ce qu'il ne connaît pas, et le champ de son père à cette pépinière chaotique? Et celui que je veux, quand il a passé ce seuil que nul homme avant lui n'a traversé, d'un seul éclair, il a su que c'est à lui. Et toute cette sierra bleue, il y a longtemps qu'elle se dressait à l'horizon de son âme. Il n'y a rien dans cette carte sous ses pieds qui se déploie qu'il ne reconnaisse et que d'avance, je ne lui ai donné par écrit. Pour lui, le voyage n'a pas de longueur et le désert point d'ennui. Il est déjà tout peuplé des villes qu'il y établira. Et la guerre point de hasard et la politique est simple. Il est seulement surpris de toutes ces résistances frivoles. Et de même, quand j'ai épousé l'Espagne, ce n'était pas pour jouir de ses fruits et de ses femmes à la manière d'un brigand et de la toison de ses brebis et des mines dans sa profondeur et des sacs d'or que les marchands versent à la douane à la manière d'un rentier, d'un propriétaire. Mais c'était pour lui fournir l'intelligence et l'unité. Et pour la sentir tout entière, vivante et obéissante et comprenante sous ma main et à moi, à la manière de la tête qui seule comprend ce qui fait toute la personne, car ce n'est pas l'esprit qui est dans le corps, c'est l'esprit qui contient le corps et qui l'enveloppe tout entier. Je ne connais qu'un homme qui répond au désir de votre majesté. Il s'appelle Don Rodrigue de Manacor. Je ne l'aime pas. Je sais que l'obéissance lui va mal. Mais l'homme que vous me demandez ne peut être fait autrement qu'avec de l'étoffe du roi. Il est trop jeune encore. Cette Amérique que vous allez lui donner, les moins à peine que lui. Il était tout enfant que déjà il était sa vision prodigieuse quand il accompagnait son père qui lui racontait Cortés et Balboa. Et plus tard, ses passages à travers les Andes, sa descente non point comme Magellan sur la terre sans obstacle, mais du Pérou au Para, au travers d'un océan de feuillage, son gouvernement de Grenade, ravagé par la sédition et la peste, ont montré qui était Rodrigue, votre serviteur. Je consens à Rodrigue. Qu'il vienne. Sire, je ne sais où il est. Déjà, je lui avais fait comprendre que l'Amérique de nouveau allait le requérir. Il m'a écouté d'un œil sombre sans répliquer. Et le lendemain, il avait disparu. Qu'on me l'amène de force. Voici que va paraître enfin le héros du drame, Don Rodrigue, et qu'il va nous expliquer la nature de son amour pour Doña Pruez en dialoguant avec son valet Isidore, le Chinois, qui oppose son réalisme ironique au lyrisme de son maître. Tous deux, dans le désert de Castille, par une soirée d'une pureté cristalline, sont allongés sur un talus à l'abri duquel paissent leurs chevaux débridés et ils inspectent l'horizon. Nos cavaliers ont disparu. Ils sont là-bas, dans le petit bois tapis, faisant coucher leurs chevaux. L'un d'eux est blanc et éclaire tout le reste. Cette nuit, nous leur fausserons compagnie. Ce n'est pas nous qu'ils cherchent. N'est-ce pas ici la grande route de Galice à Saragosse? Et par où chaque année, le jour de sa fête, Saint-Jacques, c'est aujourd'hui, voyez-vous, cette étoile qui file, va solennellement rendre visite à Notre-Dame du Pilier. Ce sont des pèlerins qui vont se joindre au cortège. Pèlerins? J'ai vu des armes à la lueur de ce coup de pinceau phosphorique, peu soucieux de se faire voir trop tôt. Fort bien, cette affaire ne nous concerne pas. Cependant, je garde un œil sur ce petit bois de pinasse. Et moi, je garde l'œil sur toi, cher Isidore. Oh, ne craignez pas que je fuie. Pour autant que vous respecterez notre pacte et ne me ferez passer la nuit auprès d'aucun cours d'eau, source, puits. Crains-tu si fort que je te baptise subrepticement? Et pourquoi donc vous donnerais-je ainsi pour rien le droit de me faire chrétien et d'entrer au ciel avec l'ornement que je vous aurais fourni? Et compensation à d'autres desseins moins purs, il faut d'abord que vous serviez quelque peu, monsieur, votre serviteur. Et que je t'accompagne là où certaines mains noires t'appellent. Tout près, une main blanche vous fait signe. Ce n'est rien de vil que je veux. Appelez-vous de l'or une chose vile? C'est une âme en peine que je secoue. Et moi, la mienne qui est captive? Captive au fond d'une bourse. Tout ce qui est à moi, c'est moi. Te plains-tu que je te veuille aider? Monsieur mon maître, fais humblement votre seigneurie accepter que je n'ai pas confiance en votre seigneurie. Oui, j'aimerais beaucoup être en d'autres mains que les vôtres. Pourquoi m'y suis-je mis? C'est moi qui me suis mis dans les tiennes. Nous nous sommes pris l'un par l'autre et il n'y a plus moyen de nous dépêtrer. J'ai eu tort de vous faire cette promesse à la hâte dans le transport de mon tempérament. Au fond, qu'est-ce que cette eau que vous voulez me verser sur la tête? Et pourquoi y tenez-vous tellement? Qu'est-ce que vous y gagnez? Qui m'assure que les choses sont comme vous dites? Et quant à ce changement spirituel dont vous parlez, croyez-vous que ce soit agréable? Qui aimerait qu'on lui change ses rognons de place? Mon âme est bien comme elle est. Et je n'aime pas beaucoup que les autres y regardent et me la tripotent à leur idée. Si tu renies ta parole, c'est mauvais. Elle se vengera sur toi. Alors, c'est dit. Je renonce à cet or là-bas. Et vous, renoncez à cette idole bien colorée. Tu t'égares, Isidore. Je répète que seul me presse le secours que je dois à cette âme en danger. Et vous ne voulez pas que j'ai peur que j'entende un homme parler de cette façon? Mais qu'est-ce que c'est que cette femme que vous aimez? Au dehors, cette bouche peinte comme avec un pinceau. Ses yeux plus beaux que s'ils étaient des boules de verre. Ses membres exactement cousus et ajustés. Mais au-dedans, c'est le chagrin des démons. Le verre, le feu, le vampire attaché à votre substance. La matière de l'homme qui lui est entièrement soutirée. Et il ne reste plus qu'une forme frisée et détendue comme un corpuscule de cri-cri. Horreur! Ne suis-je pas dans la dépendance de votre seigneurie? Que de fois ne l'ai-je pas supplié de songer au salut de son âme et de la mienne? Que seront dans 100 ans ces 100 livres de chair femelle auxquelles votre âme s'est amalgamée comme avec un crochet? Un peu d'ordure et de poussière. Des os. Ni à ces choses qui sont derrière moi et me poursuivent, ni à celles qui sont devant moi, un point blanc là-bas sur la mer entre les arbres sombres, je sens que je ne pourrai échapper. Qu'est-ce qui est derrière vous? Le galop de ces chevaux qui me poursuivent, le commandement du roi sur son trône, qui m'a choisi entre tous les hommes pour me donner la moitié du monde, celle-là qui, depuis l'éternité, était inconnue de tous jusqu'à moi, ensevelie comme un enfant dans ses langes. Cette part du monde toute nouvelle et fraîche, comme une étoile qui a surgi pour moi de la mer et des ténèbres. Et ce n'est pas moi, plus tard, qui aurai à m'y faire une place, à m'y taillir une courte province. C'est moi qui la contient tout entière, alors que toute fraîche et humide encore, elle s'offre à recevoir pour toujours mon empreinte et mon baiser. Et qu'est-ce qui est en avant de vous? Un point fulgurant là-bas, pareil à la vision de la mort. Est-ce un mouchoir qu'on agite? Est-ce un mur sur lequel frappe le soleil de midi? Je sais. C'est là que se trouve un certain monstre noir, à qui dans l'hilarité de mon âme, parce qu'un sage même n'est pas exempt d'incertitude, et quasi une lubrico, si je puis dire, je me suis laissé aller à prêter argent. Non point sans intérêt, j'en suis sûr. Je connais ton genre de libéralité. Ramenez-moi seulement à Barcelone. N'est-ce point là où tu me conjurais de ne pas aller? Si je ne puis vous détourner de votre folie, au moins que j'en profite. Folie, comme chacun l'appellerait, mais j'ai follement raison. C'est raison que de vouloir sauver une âme en la perdant? Il y a une chose que pour le moment je puis seul lui porter. Et quelle est cette chose unique? La joie. Ne m'avez-vous pas fait lire 50 fois que pour vous, chrétien, c'est le sacrifice qui sauve? C'est la joie seule qui est mère du sacrifice. Quelle joie? La vision de celle qu'elle me donne. Appelez-vous joie à la torture du désir? Ce n'est point le désir qu'elle a lu sur mes lèvres, c'est la reconnaissance. La connaissance? Dites-moi seulement la couleur de ses yeux. Oh, je ne sais. Ah, oh, je l'admire tellement que j'ai oublié de la regarder. Excellent. Moi, j'ai vu de grands vilains yeux bleus. Ce ne sont point ses yeux, c'est elle-même tout entière qui est une étoile pour moi. Jadis sur la mer des Caraïbes, quand à la première heure du matin, je sortais de ma caisse étouffante pour prendre la veille, et qu'une seconde me montrait cet astre original, cette splendide étoile toute seule au bandeau du ciel transparent. Ah, c'était le même saisissement au cœur une seconde, la même joie immense et folle. Aucun homme ne peut vivre sans admiration. Il y a en nous l'âme qui a horreur de nous-mêmes. Il y a cette prison dont nous avons assez. Il y a ces yeux qui ont le droit de voir à la fin. Il y a un cœur qui demande à être rassasié. Mais bientôt, je ne trouvais plus au firmament que ce feu de plomb trop connu, l'opaque et sur falot, triste guide du navigateur sur les eaux inaltérées. Or, cette fois, voici bien autre chose qu'une étoile pour moi, ce point de lumière dans le sable vivant de la nuit, quelqu'un d'humain comme moi, dont la présence et le visage, or la laideur et la misère de ce monde, ne sont compatibles qu'avec un état bienheureux. Un festin pour tous les sens. Les sens, je les compare aux goujats qui suivent l'armée pour débouiller les morts et profiter de la ville prise. Je n'accepterai point si facilement cette rançon payée par le corps pour l'âme qui s'est dérobée, et qu'il y ait une chose en elle dont je cesse d'avoir besoin, mais je dis mal. Je ne calomnierai pas ces sens que Dieu a faits. Ce ne sont point de vils acolytes, ce sont nos serviteurs qui parcourent le monde tout entier jusqu'à ce qu'ils aient trouvé enfin la beauté, cette figure devant laquelle nous sommes si contents de disparaître. Tout ce que nous lui demandons est que nous n'ayons plus pour toujours qu'à ouvrir les yeux pour la retrouver. Pas autre chose, vraiment? Ce n'était pas la peine de nous déranger. Je crains que notre conversation pour cette dame ne soit pas d'un grand profit. Est-ce pour rien que si bien cachée je l'ai découverte? La peste soit de cette tempête qui nous jeta sur la côte d'Afrique et de cette fièvre qui nous retint là-bas. Ce fut son visage que je vis en me réveillant. Dis, crois-tu que je l'ai reconnue sans qu'elle le sache? Il faudrait savoir tout ce qui s'est passé avant notre naissance. À ce moment, je ne voyais rien. Oui, je me rappelle que je n'en étais pas encore à mes yeux. Pour que rien ne vint déranger ma préparation du papillon Isidore. Laisse là ta vie antérieure, à moins que dans la pensée de celui qui nous a fait, déjà nous ne fussions étrangement ensemble. C'est sûr, nous étions déjà ensemble tous les trois. Déjà, elle était l'unique frontière de ce cœur qui n'en tolère aucune. Déjà, mon cher parrain, vous pensiez à me la donner pour ma reine. Déjà, elle contenait cette joie qui m'appartient et que je suis en route pour lui redemander. Déjà, elle me regardait avec ce visage qui détruit la mort. Car qu'est-ce qu'on appelle mourir, sinon de cesser d'être nécessaire? Quand est-ce qu'elle a pu se passer de moi? Quand est-ce que je cesserai d'être cela sans quoi elle n'aurait pu être elle-même? Tu demandes la joie qu'elle m'apporte? Ah, si tu savais les mots qu'elle me dit pendant que je dors. Ces mots qu'elle ne sait pas qu'elle me dit, et je n'ai qu'à fermer les yeux pour les entendre. Des mots qui vous ferment les yeux, et à moi qui me ferme la bouche. Ces mots qui sont le poison de la mort, ces mots qui arrêtent le cœur et qui empêchent le temps d'exister. Il n'existe plus. Regardez, déjà un de ces astres pour vous qui ne servent plus à rien, le voilà qui s'en va, et qui au travers de la page céleste fait une grande rature de feu. Que j'aime ce million de choses qui existent ensemble. Il n'y a pas d'âme si blessée en qui la vue de cet immense concert n'éveille une faible mélodie. Vois, pendant que la terre, comme un blessé qui a cessé de combattre, exhale un souffle solennel, les peuples des cieux, sans aucun déplacement, comme employés un calcul, tout fourmillant de sa mystérieuse besogne. Au milieu, les trois étoiles, le bâton de cet énorme pèlerin qui tour à tour visite les deux hémisphères, ce que vous appelez le bâton de Saint-Jacques. Regarde, mon amour, tout cela est à toi, et c'est moi qui veux te le donner. Étrange lumière que ce million de gouttes de lait. Là-bas, sous les feuilles, il éclaire une femme qui pleure de joie et qui baise son épaule. Qu'importe cette épaule? Je vous prie, monsieur le sauveur d'âme. Cela aussi fait partie des choses que je ne posséderai pas en cette vie. Ai-je dit que c'était son âme seule que j'aimais? C'est elle, tout entière. Et je sais que son âme est immortelle, mais le corps ne l'est pas moins. Et de tous deux, la semence est faite, qui est appelée à fleurir dans un autre jardin. Une épaule qui fait partie d'une âme, et tout cela ensemble qui est une fleur. Comprends-tu, mon pauvre Isidore? Oh, ma tête, ma tête. Isidore, ah, si tu savais comme je l'aime et comme je la désire. Maintenant, je vous comprends. Et vous ne parlez plus chinois. Et crois-tu donc que ce soit son corps seul qui soit capable d'allumer dans le mien un tel désir? Ce que j'aime, ce n'est point ce qui en elle est capable de se dissoudre et de m'échapper et d'être absent et de cesser une fois de m'aimer. C'est ce qui est la cause d'elle-même. C'est cela qui produit la vie sous mes baisers et non la mort. Si je lui apprends qu'elle n'est pas née pour mourir, si je lui demande son immortalité, cette étoile sans le savoir au fond d'elle-même qu'elle est, ah, comment pourrait-elle me refuser? Ce n'est point ce qu'il y a en elle de trouble et de mêlé et d'incertain que je lui demande. Ce qu'il y a d'inerte et de neutre, de périssable, c'est l'être tout nu, la vie pure. C'est cet amour aussi fort que moi, sous mon désir, comme une grande flamme crue, comme un rire dans ma face. Ah, me le donna-t-elle, je défaille et la nuit vient sur mes yeux. Me le donna-t-elle, il ne faut pas qu'elle me le donne. Ce n'est point son corps chéri jamais qui réussirait à me contenter. Jamais autrement que l'un par l'autre, nous ne réussirons à nous débarrasser de la mort. Comme le violet, s'il se fond avec l'orange, dégage le rouge tout pur. Tingui, Tingui, Tingui. Nous savons ce qui se cache sous ces belles paroles. Je sais que cette union de mon être avec le sien est impossible en cette vie, et je n'en veux aucune autre. Seule l'étoile qu'elle est peut rafraîchir en moi cette soif affreuse. Et pourquoi donc nous rendons-nous présentement à Barcelone? T'ai-je point dit que j'ai reçu d'elle une lettre? Ah, les choses s'éclairent peu à peu. Venez, je serai à X. Je pars pour l'Afrique. On a de grands reproches à vous faire. C'est une femme gitane qui m'a apporté ce papier. Je suis parti, cédant à tes sollicitations pendant que les gens du roi me poursuivaient. Oui, c'est moi. Accusez-moi, je vous prie. Les affaires de mon âme et de ma bourse. Vous n'aviez que cela que... Tout pesait dans le même sens. La goutte d'eau qui s'accumule et l'Espagne tout entière pour moi comme un plateau qu'on incline. Mais qu'est-ce ceci? Du fond de l'Occident, je vois s'avancer en bon ordre une quantité de petites lumières. Et là-bas, à l'Orient, à la crête de cette colline apparaît un autre cortège. C'est Jacques qui, chaque année au jour de sa fête, s'en vient rendre visite à la mère de son Dieu. Et celle-ci maternellement fait le tiers du chemin à sa rencontre, selon qu'il a été solennellement stipulé par devant notaire, après de longues disputes. Attention! Je vois les petites lumières à l'ouest qui se dispersent. Tout s'éteint. Mais c'est la flamme rouge des arquebuses. Écoute, on crie. Je crains que ce ne soit nos pèlerins de tout à l'heure. Ceux que nous avons vus se tapir derrière la Pinède. Penses-tu qu'ils vont se prendre à Saint-Jacques? Ce sont sans doute des hérétiques ou des morts. Et la statue est d'argent massif. Mon épée, venons au secours de Monsieur Saint-Jacques. Et que nous l'aurons arraché aux mécréants, nous ne leur rendrons pas sans une bonne rançon. Une autre partie du désert de Castille, un chemin creux parmi les roseaux et les chênes verts. La bataille est déjà finie. On voit par terre des cadavres, parmi lesquels celui de Don Louis qui avait assailli le cortège de Saint-Jacques pour enlever Doña Isabelle. Don Rodrigue, blessé, est adossé contre le tronc d'un arbre. Seigneur cavalier, je vous remercie. Je suis heureux d'avoir pu sauver Monsieur Saint-Jacques. Ce n'est nullement à Saint-Jacques qu'en voulait monsieur. Il s'est battu comme un gentilhomme, et j'ai cru que je n'en viendrais pas à bout. Et votre pourpoint a souffert. Peu de choses. Donnez-moi l'une de ces voitures. Mon serviteur prendra soin de moi. Et vous, Doña Isabelle, ma chère sœur, reprenez vos sens. Ne restez pas ainsi toute blanche et interdite. Et remerciez ce cavalier qui nous a sauvés tous. Je vous remercie. Le jardin de l'auberge. Conversation entre Doña Pouez, dont l'amour ne trouvera sa perfection que dans le désir et l'absence, et Doña Music. Celle-ci représente l'amour heureux qui entre sans peine en possession de son objet. Vous qui savez tant de choses, comme je suis contente de causer avec vous. Prenons garde seulement, petite sœur, que Don Balthazar de nous voir. Le jour tombe. C'est l'heure où le bon seigneur relève ses sentinelles, de peur que sa captive ne s'envole. Je suis contente d'être aussi bien gardée. J'ai vérifié toutes les sorties. Il n'y a pas moyen d'échapper quand je le voudrais. Quel bonheur. Mais cependant, je suis entrée sans nulle permission ici. Qui aurait été vous chercher, mélangée comme une couleuvre à ce grand tas de roseaux? Maintenant, c'est moi qui vous tiens et qui vous empêcherai de fuir. Est-ce vous qui m'empêchez de fuir? Ou bien est-ce moi, au contraire, qui me suis prise à vous d'une manière si gentille que vous ne savez plus comment vous dépêtrer? Oh, comme vous êtes belle et comme je vous aime. Si j'étais votre mari, je voudrais toujours vous tenir dans un sac. Je serais terrible avec vous. Dès qu'il sera de retour, j'arrangerai cette affaire. Vous n'arrangerez rien du tout, car il s'est mis dans la tête de me marier avec le toucheur de bœufs. Et moi, je m'envole sur le rebord du toit et je me moque de lui. C'est le gentil roi de Naples qui sera mon mari. Il n'y a pas de roi à Naples. Il y a un roi de Naples pour musique. N'essayez pas de me faire de la peine ou je vous casserai le petit doigt. Et ce n'est pas vrai non plus, peut-être, que j'ai cette tache sur l'épaule comme une colombe. Je vous l'ai montré. C'est toi qui es la colombe. Mon Dieu, comme il sera content quand il me tiendra entre ses bras. Oh, que le temps m'a duré. Fallait-il donc m'obliger à te chercher si loin, minute, dira-t-il. Il me semble que je l'entends. Oh, comme je serais contente de l'entendre me dire mon nom. Lui seul le sait désormais. Folle, tu ne l'as jamais vu. Je n'ai pas besoin de le voir pour connaître son cœur. Qui donc m'appelait si fort? Croyez-vous que ce n'était pas dur de partir ainsi et de fouler aux pieds tous les miens? Il m'appelle et je lui réponds aussitôt. Oui, musique, je le sais. Celui que ton cœur attend, je suis sûre qu'il ne peut pas te faire défaut. Le vôtre, n'attend-il plus personne? Mais qui oserait en menacer la paix quand il est sous la protection d'une telle beauté? Ah, vous étiez fait pour marcher de compagnie. Vous et cet homme terrible qui essayait de m'attraper tout à l'heure et dont la charge est de donner la mort. Cependant, vous voyez que le seigneur Balthazar ne suffit pas à ma beauté seule pour me défendre et qu'il a multiplié les gardes autour de ce vieux château. C'est moi-même qui le lui ai demandé. Aimez-vous tellement votre prison que vous vous plaisiez ainsi à la rendre plus sûre? Il faut des barreaux bien forts. Que peut le monde contre vous? C'est moi, sans doute, qui peux beaucoup contre lui. Je ne veux donc qu'une prison. La prison pour quelqu'un, il dit qu'elle est là où je ne suis pas. Il y a une prison pour moi. Et nul ne pourra m'en arracher. Quelle musique? Les bras de celui que j'aime. Elle est prise, la folle musique. Elle échappe. Elle n'est là que pour un moment. Qui pourrait la retenir pour toujours avec son cœur? Déjà, je suis à lui, sans qu'il le sache. C'est à cause de moi, avant qu'il m'ait connue, qu'il affronte à la tête de ses soldats tant de fatigue. C'est pour moi qu'il nourrit les pauvres et pardonne à ses ennemis. Ah, ça ne sera pas long à comprendre que je suis la joie. Et que c'est la joie seule et non point l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. Oui, je veux me mêler à chacun de ces sentiments comme un sel étincelant et délectable qui les transforme et les rince. Je veux savoir comment il s'y prendra désormais pour être triste et pour faire le mal quand il le voudrait. Je veux être rare et commune pour lui, comme l'eau, comme le soleil, l'eau pour la bouche altérée qui n'est jamais la même quand on y fait attention. Je veux le remplir tout à coup et le quitter instantanément. Et je veux qu'il n'ait alors aucun moyen de me retrouver, et pas les yeux ni les mains, mais le centre seul, et ce sens en nous de l'ouïe qui s'ouvre. Rare et commune pour lui, comme la rose qu'on respire tous les jours tant que dure l'été, et une fois seulement. Ce cœur qui m'attendait, ah, quelle joie pour moi de le remplir! Et si parfois le matin, le chant d'un seul oiseau suffit à éteindre en nous les feux de la vengeance et de la jalousie, que sera-ce de mon âme dans mon corps? Mon âme à ses cordes ineffables, unies en un concert que nul autre que lui n'a respiré. Mais il lui suffit de se taire pour que je chante. Où il est, je ne cesse d'être avec lui. C'est moi, pendant qu'il travaille, le murmure de cette pieuse fontaine. C'est moi, le paisible tumulte du grand port dans la lumière de midi. C'est moi, mille villages de toutes parts, dans les fruits qui n'ont plus rien à redouter du brigand et de l'exacteur. C'est moi, petite, oui, cette joie stupide sur son vilain visage, la justice dans son cœur, ce réjouissement sur sa face. Il n'y a rien pourquoi l'homme soit moins fait que le bonheur et dont il se lasse aussi vite. Est-il fait pour la souffrance? S'il la demande, pourquoi la lui refuser? Comment souffrir quand vous êtes là? Qui vous regarde oublie de vivre et de mourir. Il n'est pas là. Donc, il y a quelqu'un, sœur chérie, dont l'absence ne cesse de vous accompagner. Oh, petite sœur, vous êtes trop hardie. Silence. Qui oserait lever les yeux sur Fouez? Qui saurait les en arracher? Qui troublerait son cœur? Une voix seule au monde. Une voix seule. Et qui parle tout bas. Intérieure à ce sacrement insoluble. Voudriez-vous qu'elle se tue? Ah, je ne vis que par elle. L'aimez-vous à ce point? Qu'oses-tu dire? Non, non, je ne l'aime aucunement. Regrettez-vous ce temps? Vous ne le connaissiez point? Maintenant, je vis pour lui. Comment, quand votre visage lui est pour toujours interdit? Ma souffrance ne l'est pas. Ne voulez-vous pas son bonheur? Je veux qu'il souffre aussi. Il souffre, en effet. Jamais assez. Il appelle. Ne lui répondrez-vous pas? Je ne suis pas une voix pour lui. Qu'êtes-vous donc? Une épée au travers de son cœur. Près de l'auberge, une région de rochers fantastiques et de sable blanc. La négresse Jo Barbara, servante de Prouez, danse et tourne dans le clair de lune. Le serviteur chinois de Rodrigue va bientôt la surprendre. Vive maman Joli, qui m'a fait si noire et si polie. C'est moi le petit poisson de la nuit. C'est moi le petit tonton qui tourne. C'est moi le chaudron qui ballotte et qui bondit dans l'eau froide qui bouge et qui boue. Hi, hi, hi, hi. J'y suis ici, j'y suis ici. Viens, viens, viens, mon petit messier italien. Oui, oui, mon petit canaille jaune. J'ai mis un sou dans ta poche. Tout ce qui t'empêchait de m'aimer, je l'ai tué, je l'ai cassé avec le sang d'une poule coupée. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Imberbe créature, tu as beau ajouter à ta coin noire cet écume embargué. Je te perce jusqu'à l'âme. Je vois le cœur tout étouffé par le téton comme une pelote sombre. Je tends un rayon maléfique. Je vois le foie comme une enclume où les démons viennent forger le mensonge et les deux poumons au-dessus comme d'affreux soufflets. Je vois les entrailles comme un paquet de reptiles d'où s'échappe une vapeur infecte et balsamique. Et que vois-tu encore? Je vois mon argent tout empilé de chaque côté de la colonne vertébrale comme les grains dans un épi de maïs. Je m'en vais le reprendre sur le champ. Arrête, mon amour chéri. Si tu me tues, je ne pourrai pas te faire voir le diable. Tu me l'avais déjà promis et c'est ainsi que tu m'as extorqué cet argent. Et jamais plus ton maître ne remettra les yeux sur Doña Pouez. Ah, pur alligator, enfant musqué de la boue et gros ver de marée basse, nous reprendrons adultérieurement cette conversation. Je te tiens. Doña Mireille est dans cette forteresse. Et Don Balthazar la défend. Et Don Pélage revient demain ou après-demain. Et il enlève Doña Méveille en Afrique. Et Don Rodrigue ne la verra plus. Tu. Il ne la verra pas. Talala. Écoute, le seigneur Rodrigue a été navré et jeté par terre. Cependant que l'épée au poing, il s'efforçait de défendre Jacques contre les brigands. Quel Jacques? Saint-Jacques en argent. Nous l'avons transporté ici. Rodrigue, j'ai dit. Dans le château de Madame sa mère, qui est à 4 lieues de cette auberge. Madone. Dis-lui qu'il va crever. Dis-lui qu'il veut la voir. Dis-lui qu'elle aille le rejoindre aussitôt, foulant au pied de bon usage. Quant à moi, puisque mes exhortations accompagnées de profonds soupirs n'ont pu le réincorporer, il ne me reste plus qu'à me retirer en silence, après l'avoir installé au sein de son vomissement, donnant libre cours à la pudeur. Quant à toi, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies montré le diable. Et pourquoi tiens-tu tellement à voir le maudit? Et plus j'aurai de belles relations de ce côté, et plus mon âme aura de prix aux yeux de ceux qui veulent m'arroser. Mais comment veux-tu que Doña Pouez quitte cette auberge qui est de toutes parts gardée? Écoute, j'ai rencontré ce matin une bande de cavaliers. Ils cherchent une demoiselle appelée Musique, qu'un certain sacripant de Naples a enlevée. Musique? Ciel! Tu la connais? Poursuis. Aussitôt, par force et par menace, ils m'ont arraché l'aveu que la dite Musique se trouve dans cette auberge au bord de la mer qu'occupent d'affreux pirates. Mais ce n'est pas vrai! Je le sais. Qu'importe. Demain soir, on attaque Balthazar et ses troupes. Mais ils ne trouveront rien? Ils trouveront du moins une certaine sorcière que j'ai dépeinte, qui est la plus dangereuse complice du voleur aux yeux de velours. Je ne rentre pas à l'auberge. Alors, je te tue sur la place. Doña Pouez est là qui saura tout arranger. Dis-lui que profitant du tumulte, elle fuit avec toi. Comment? À 100 pas de l'auberge, là-bas, derrière les figuiers de barbarie. Je l'attends avec mon valet et des chevaux pour elle et pour toi. Le ravin profond qui entoure l'auberge, plein de ronces, de lianes et d'arbustes entremêlés. Sur le bord se tient l'ange gardien de Prouez, en costume de seigneur espagnol. Il contemple sa protégée qui veut s'enfuir pour rejoindre Rodrigue. Et regardez-la, qui se démène au milieu des épines et des lianes entremêlées, glissant, rampant, se rattrapant, des ongles et des genoux essayant de gravir cette pente abrupte. Et ce qu'il y a dans ce cœur désespéré, qui prétend que les anges ne peuvent pas pleurer? Est-ce que je ne suis pas une créature comme elle? Est-ce que les créatures de Dieu ne sont rattachées par aucun lien? Ce qu'ils appellent la souffrance, est-ce que cela se passe dans un monde à part et de tout le reste exclu? Est-ce qu'elle échappe à notre vision? Est-ce qu'elle est une chose agréable à contenir pour cet être qui embrasse son objet? Est-ce qu'elle est étrangère à cet amour et à cette justice dont nous sommes les ministres? Enfin, elle est tout de même venue à bout de ses ronces et de ses épines charitables qui voulaient la retenir. La voici qui apparaît sur le rebord du fossé. Doña Pouez sort du fossé. Elle est en vêtements d'homme, tout déchiré, les mains et la figure meurtrie. Ah oui, tu es belle, ma pauvre enfant, avec ses cheveux défaits, dont ce costume indécent, ses joues couvertes de terre et de sang, et ce regard dans tes yeux qui me fait mal de résolution et de folie. Ah, tu me fais honneur, et j'ai plaisir à montrer ainsi ma pauvre petite sœur. Si seulement il n'y avait personne pour nous voir. Je suis seule. Elle dit qu'elle est seule. Je suis libre. Hélas. Rien ne m'a retenue. Nous ne voulions d'autre prison pour toi que l'honneur. Il fallait mieux me garder. J'ai été loyale, j'ai donné avertissement à Don Balthazar. Il va payer ta fuite de sa vie. Rodrigue va mourir. Il est encore temps de perdre son âme. Rodrigue va mourir. Il vit. Il vit. Oh, quelqu'un me dit qu'il vit encore. Il est encore temps que je l'empêche de mourir avec mon visage. Ce n'est point l'amour de Prouez qui l'empêchera de mourir. Dis-moi, je puis mourir avec lui. Écoutez avec quelle horrible facilité elle parle de déposer cette âme qui ne lui appartient pas et qu'il a coûté tant de peine à faire et à racheter. Il n'y a que Rodrigue au monde. Essaye donc de le rejoindre. Oh, l'effort a été trop grand. Je meurs. Oh, j'ai cru que je ne réussirais jamais à sortir de cet horrible fossé. L'ange gardien pose le pied sur le cœur de Doña Pouez. Il me serait facile de te maintenir ici si je le voulais. Rodrigue m'appelle. Porte-lui donc ce cœur où mon pied s'est posé. Il le faut. Vois où tu vas m'amener. Debout, Pouez. Je regarde Dieu. Rodrigue. Hélas, j'entends une autre voix dans le feu qui dit Pouez. Ah, que le chemin est long. Jusqu'au buisson, là-bas. Il était plus long encore jusqu'au calvaire. Rodrigue, je suis à toi. Je suis à lui. C'est toi qui le remplira avec ton corps d'excommunié. Je sais que je suis un trésor pour lui. On ne lui ôtera pas cette idée de sa petite tête stupide. En marche. En marche. Oh, oh Rodrigue, Rodrigue, je suis à toi. Tu vois que j'ai rompu ce lien si dur. Rodrigue, je suis à toi. Rodrigue, je vais à toi. Et moi, je t'accompagne. Doña Pouez s'est donc enfuie à l'insu de Don Balthazar. Celui-ci, aussi naïf que fidèle, se prépare à mettre l'auberge en état de siège plutôt que de manquer à la promesse qu'il a faite à Don Pélage. Cette scène de l'assaut, au cours duquel Don Balthazar se sacrifiera inutilement à son devoir, a été réalisée par le poète avec une telle fantaisie de jeu de scène, une telle poésie visuelle, qu'elle serait inintelligible à l'auteur de la radio. C'est pourquoi nous avons pris licence de la réduire à un récit. Et si elle perd ainsi beaucoup de sa fantaisie, nous garderons cependant l'intervention du chant grâce à laquelle la conclusion de cette journée s'épanouit en poésie. Le Chinois est amené devant Don Balthazar et lui fait des aveux complets. Il a fait croire à ceux qui recherchent Doña Musique que celle-ci se trouve dans l'auberge gardée par des pirates. Don Balthazar ainsi sera contraint de laisser échapper Doña Pouez au profit de Rodrigue. Don Balthazar oblige le Chinois à chanter pour révéler sa présence à Don Rodrigue qui ainsi n'osera pas tirer. Allons, imite-moi, chante, Chinois. Un chant qui monte à la bouche est comme une goutte de miel qui déborde du corps. Les émissaires viennent réclamer Doña Musique. Nous gardons notre musique pour nous et Doña Pouez en même temps. Allons, chante avec moi, Chinois. J'ai rêvé que j'étais au ciel en m'éveillant dans tes bras. Allons, Chinois, continue, tout en regardant cette table qu'on a recouverte pour nous des plus beaux fruits de la terre et des flots. On heurte à la porte, on réclame Doña Musique. Vous voulez de la musique? Allons, chante, Chinois. Celui qui m'entendrait chanter penserait que je suis joyeux. Je suis comme le petit oiseau qui chante lorsqu'il meurt. Nous demandons Donia Musique. Pas moyen, elle vient de partir pour la Barbarie. Chante chinois, ça les consolera. J'ai monté dans une noisette pour aller en Barbarie. Et j'ai des poils de grenouille parce qu'il n'y en a pas en Espagne. Si vous n'ouvrez pas, nous allons tirer. Chante chinois. Je suis allé au champ demander à la violette si pour le mal d'amour il y avait un remède. Elle m'a répondu. Un canon de mousquet passe par la fissure de la porte et se promène de droite à gauche. Le chinois saute de droite à gauche pour l'éviter. Elle m'a répondu, elle m'a répondu. On voit au fond sur la mer une barque à voile rouge où se trouve Musique, la négresse et le sergent Napolitain. C'est la négresse qui répond aux chinois. Que pour le mal d'amour, il n'y en a jamais eu. Regardez, regardez là-bas, Don Balthazar. Ne me regarde pas, on regarde que nous nous regardons. On attaque la porte à coups de hache, on va tirer. La barque a disparu et on n'entend plus la voix de Doña Musique. La voix même de l'amour qui se rit des gardiens et des murailles. Découvrir sur ton visage et trouver au fond de ton cœur et tomber au Le fidèle et malheureux Don Balthazar tombe mort au milieu des fruits tenant la table dans ses bras. Une larme de tes yeux. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre « Le soulier de satin » de Paul Claudel, action espagnole en quatre journées. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend père Roguet, mise en onde d'Henri Vermeil. La première journée qui vous a été donnée aujourd'hui le fut avec le concours de Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Donia Musique. F. Francis dans celui de Donia Prouez. Marguerite Mayanne était Donia Isabelle. Simone Bonelli, la négresse. Le rôle de Don Rodrigue était tenu par Jean-Louis Barrault de la Comédie Française. Fernand Fabre était Don Camille. Jean Worms, Don Balthazar. Jean Touloute, Don Pélage. Jean Montazel, le roi. Georges Flateau, le chinois. Jacques Berlioz, l'annoncier. Gaston Séverin, le chancelier. Dominique Bucard, le père jésuite. Cette émission avec Albert Gercourt, Jacques Briana, Jacques Tan, Paul Morin, Pierre Héral et Paul Bernard qui interprétaient le rôle de l'ange gardien. Les voix chantées, Jeanne Segondi, Simone Viala, Éric Puech, Charles Mailleux, et l'orchestre sous la direction de Jean Giardineau. Mesdames, Messieurs, notre émission dramatique est terminée. État français, Radiodiffusion nationale.